parler de patinage de vitesse sur côte à piste, il y avait une compétition senior à Sherbrooke. Plusieurs de nos athlètes de patineuse étaient du secteur étaient en action. Et, comme on le fait à toutes les fois qu'il y a une compétition, on parle avec notre ami David Simard. Salut David! Bonjour! David, parlons de ce qui s'est passé en fin de semaine. Catherine Mailloux, on va commencer avec celui-là du lac, là, parce que c'est plus là qu'on est. Catherine Mailloux, 16e. Maud Tremblay, 18e. Non, 28e, c'est Léonie Bradette, 18e. C'est Léonie Bradette, 18e. Ouais, Léonie Bradette. Donc, on vient avec Catherine Mailloux. Ouais, c'est ça. On commence par Catherine. Donc, Catherine a quand même fait une belle compétition. Qui est 100 mètres un petit peu mal commencé, quoi, qui a réussi à faire un top bracket quand même. C'est pas nécessairement sa distance aussi à Catherine, c'est plus une sprinteuse. Donc, réussi à quand même bien se classer à la première distance. Par la suite, Catherine, elle a réussi à se classer dans les 7 premières aux 500 mètres, ce qui est très bon pour elle. Son meilleur résultat au niveau canadien à vie, donc parmi les seniors. Pour elle, c'est un bon retour, ça lui a donné une belle motivation. Par la suite, on a vu un bon 1000 mètres, elle a réussi à se classer dans le top, aussi bracket, on appelle, nous autres, c'est les 16 meilleurs qui se ramassent dans les il y a des vagues des 16 meilleurs. On a un bottom après ça, là, qui sont les 16 autres, là, qui se patinent contre eux autres. Donc, ça lui a permis de tomber deux fois dans ce niveau-là. De faire une 16e position, c'est bon. Son meilleur résultat au niveau canadien à vie pour elle, surtout au niveau senior. On parle encore de trois filles ici de Dolbeau et Saint-Félicien qui se viennent, qui sont encore d'âge junior l'année prochaine, sauf pour Catherine qui est la plus vieille de tous. Donc ça s'annonce bien parce que cette compétition était quand même une grosse importance pour nos filles. De faire quand même des points pour envie l'année prochaine. L'équipe Cassandra aussi, il y a plusieurs abandons. Donc, ça lui mettrait l'année prochaine, d'après moi, autour en bas de 12e position, si on regarde, les prochaines années. Okay. Ce qui serait bien pour elle. Je me rappelle, je la suis beaucoup, Catherine. Là. Ça fait au moins 10 ans que je la connais, Catherine. Elle disait tout le temps 2018. Elle disait tout le temps 2018. Là. Évidemment, elle n'aura pas son objectif. Ben, mais est-ce que 2022, c'est sûr qu'au patinage de... Catherine, est-ce que c'est possible? Oui, en fait, là, ce qu'on parle de cette génération-là qui sont encore juniors, oui, 2018, c'était peut-être possible, mais c'était très ambitieux. C'est quand même ambitieux comme personne, mais moi, je pense que 2022, même jusqu'à 2026, peut être des bonnes alternatives pour ces filles-là. Ça va les mettre autour de 22 ans 2022, 26 ans 2026. Donc, c'est quand même des âges que notre patinage de vitesse est le meilleur chez ces patineuses-là. Quoi qu'avant ça, ils peuvent faire quand même des circuits Coupe du Monde, tout ça. Fait que pour eux, c'est quand même bien. Puis, je pense que l'objectif va être plus à ce niveau-là. Pour Catherine, pour Léonie, puis même chose pour Maud Tremblay. OK. Ouais. Donc, puis surtout que l'équipe va être dans la construction, là. Parce que de Kim Boutin. Ouais, c'est ça, là. Kim Boutin va être la prochaine leader, si on pourrait dire. C'est ça. Avec Cassandra, là, je pense qu'il va faire un autre cycle, peut-être. Ouais. Donc, ça va dépendre de sa décision. Mais il y a quand même de la place pour nos filles par la suite, là, les prochaines qui vont arriver. Là. OK. Parlons maintenant de des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Léonie. Claudia Gagnon, j'ai eu de la baie. Ben, en fait, notre meilleur résultat au niveau québécois, ben, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une fille de la baie et Claudia Gagnon. Une petite fille qui a fait une surprise de 2 ans en ayant des bons résultats, une grosse progression. Partie à Montréal l'année passée. Belle saison quand même, malgré un ajustement, parce que quand tu arrives là-bas, c'est quand même un gros choc au niveau du nombre d'entraînements et tout ça. Quand même des bonnes performances. Cette année, au début de l'année, elle a réussi à se classer au Mondial Junior, donc dans les 4 premières pour aller en Pologne. Et cette compétition-là, c'est le meilleur résultat de nos filles. Donc, 3e position. Je te dirais qu'elle a des chances de classer sur la grosse équipe nationale dès l'an prochain. Souvent aussi, les filles qui sont déjà classées au niveau Coupe du Monde junior dans les statistiques ou à 80% environ qui vont faire les équipes nationales. Fait que pour elle, c'est un très bon résultat au niveau régional comme petite fille de la région. Fait qu'on voit la profondeur qu'on a au niveau autour du lac puis aussi au niveau du Saguenay. Donc, ça nous permet d'avoir tout le temps une progression. Fait que c'est une petite fille qui est peut-être un an plus vieille que Catherine Mailloux. Fait que ça leur permet d'avoir une continuité, si on pourrait dire. OK. Donc, mais Également Maude Tremblay. Ben elle, dans le cas de Maude, c'est ben, on pourrait commencer par Léonie Brolette, une petite fille de ben, on pourrait commencer par Léonie pour être. Ouais, Léonie, ouais. Donc, Léonie, une jeune fille, environ même âge que Catherine. Je ne sais pas si elle est junior, mais par exemple, elle. Petite fille, de petit gabarit, avec du cœur, quand même des belles courses en fin de semaine. Elle a subi une chute qui a causé une blessure au cou. Fait que, ça n'a pas permis d'avoir des bonnes performances la journée de dimanche. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être arrêté autour de Catherine, peut-être avant Catherine, dépendamment. Elle est un petit peu plus complète au niveau longue distance. Mais c'est difficile à dire au niveau du patinage de vitesse, c'est environ du même calibre. Donc, une certaine position pour elle, c'est très bon. C'est encore un de ses meilleurs résultats au niveau canadien. Mais d'après moi, elle espérait peut-être un petit peu un top 12 ça, pour elle. Elle aurait été capable, là, sans avoir de blessure, puis de chute là, ou de disqualification si elle a eu la première distance, là, aurait été capable de monter un petit peu plus. Okay. Au niveau de... C'est, après moi, ça, pour les années futures, Catherine et elle vont être quand même bien. Aussi, on a que Maude Tremblay, présentement. Maude Tremblay, on travaille beaucoup sur d'autres choses pour elle. On avait une approche de compétition assez compétitive dans le passé qui augmentait un petit peu trop son niveau de stress à ces situations de compétition-là. Fait que pour elle, avec elle, on avait une approche plutôt différente de réapprendre un peu à compétitionner différemment. Donc, surtout, faire ça pour elle, pas faire ça pour les autres, amener à changer les petits changements techniques. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus ces temps-ci. C'est sûr que la progression, dans ce temps-là, qu'on fait un correctif technique, tant dans n'importe quel sport, que ce soit hockey, tout ça, on a un peu une régression au niveau des performances. Pour elle, c'est pas une régression, c'est environ une stagnation, si on pourrait dire. Fait que, autant là, avec l'année passée puis cette année. Donc, on a environ les mêmes performances, sauf que cette année, la différence, c'est qu'elle est un petit peu plus rapide en vitesse. Donc, dans une compétition nationale, elle n'était pas déclassée comme la même compétition qu'elle a faite dans l'année passée. Elle n'était pas distancée par les autres. Elle était dans la game en tout temps, dans les courses. Elle risquait des nouvelles stratégies. On essayait des nouvelles choses avec elle. Ce qui est très bien aussi dans un résultat. Puis elle a situé dans sa meilleure distance en qualification, en quart de finale, en fait, au 1000 mètres, qui n'a pas permis d'aller vers le meilleur dans le top bracket, comme moi je parlais tantôt. Donc, pour elle, c'était une déception parce que son 1500 mètres, c'était une distance qu'elle fixait beaucoup. C'est peut-être la meilleure de nos pays environ dans le 1500 mètres, si on regardait dans la région, sauf Claudia Gagnon qu'on a parlé tantôt. Okay. Fait que pour une 28e position, c'est quand même bien. C'est une position de plus que l'année passée, donc meilleur résultat un peu. Mais au niveau des courses, pour elle, c'était différent. Donc, on arrive sur l'apprentissage de course. Fait que pour elle, c'était bien. Puis je pense que dans sa progression, c'est un élément qu'elle avait besoin de faire une compétition comme ça. Elle a compris bien les choses suite à ça. Ça lui donne une petite motivation, je pense. Puis d'avoir des bons résultats comme elle a eu dans certaines courses, puis de voir avec qui elle était capable de se prendre, puis risquer des nouvelles choses pour elle, c'est bon. Fait que je pense qu'on va être capable d'avoir une belle progression dans les prochaines années avec elle. Donc, ça fait pas mal le tour. Même jusqu'à la fin de l'année. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Ça fait pas mal. Ouais, c'est ça. On avait d'autres personnes au niveau masculin, ouais. Mais au niveau masculin, c'est des personnes. Hey, Karina Montmagny n'était pas là? Non, Karina Montmagny, elle s'est pas classée par une position 2, je pense, ce qui était au niveau junior. Fait qu'elle va faire le championnat canadien junior à la fin de l'année à Calgary, en même temps que les sélections nationales seniors. Donc, nos trois filles qu'on avait présentement, que je vous parlais tantôt, même nos quatre, vont patiner à la fin de l'année aux seniors ou grosses sélections. Okay. Fait que c'est quand même correct. Pour son âge, Karina, c'est bon. Ça avait une grosse transition à faire avec Maude cette année, avoir un volume plus élevé d'entraînement de transport de Sino Saguenay. Donc, c'est une période d'adaptation pour eux. Donc, la deuxième partie de saison, d'habitude, quand on fait une adaptation comme ça, va souvent mieux. Puis on vise beaucoup les championnats de fin de saison pour ces filles-là qui sont avec moi. Eux de Montréal sont déjà habitués de faire ce système de compé-là, peuvent performer plus de bonheur. Mais nous, on avait un objectif avec le Centre national de développer plus pour la fin de saison. Je pense qu'on va avoir des bons résultats là, fait que nos filles vont quand même bien performer à ce niveau. Ouais. David Timard, gros merci. On s'en parle dès que le patin... Dès que l'actualité va l'exiger. Oui, dès qu'il y a une compétition qui s'en vient, je t'avertis. Notre prochaine compétition, c'est autour du 6 février. Okay. Après ça, deux semaines plus tard, c'est notre dernière élite. Donc, on complète notre circuit de compétition au niveau québécois. Et après ça, soit les championnats québécois pour les provinciaux ou pour nos patineurs élites vont aller vers les compétitions nationales en Alberta, donc à Calgary, à l'Oval Olympique. Une compétition qui va se dérouler sur la même deux glaces différentes, mais en même temps. Donc, un bel événement de patinage de vitesse. Une des plus grandes compétitions qu'il faut avoir dans le patinage de vitesse au monde. Fait que ça va être bien intéressant. Okay. Fait que j'ai hâte de voir ça. Donc, on s'en parle prochainement. Merci beaucoup. David Simon, notre spécialiste de patinage de vitesse. Merci, David.